conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Fais les deux. T'aimes pas les arabes et le Renoir, là t'as les deux. Terre, RAP, t'inquiète, moi je fais le deux. Tu sais des buts jactés derrière mon dos, eux font le deux. Rappé en français, en lingala, Niama, moi je fais le deux. J'suis une étoile filante, kické avec moi, fais un vœu. Cosigna ma funi 9-2, 7-8, on met le feu. Biatch, tu veux baiser, pas de problème, fais la queue. Et bien sûr que les puristes savent qu'on fait ça mieux que. Yeah. Masta Pema, trop de l'orphona Mema, ça devient du MMA. Yeah, Niama deux fois, c'est le retour du rap Kaira. Et qui nous pompera Pera? Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. Y'a ceux qui se tapent, ceux qui se clashent, moi, je fais les deux. Niqué en crosse, depuis tu vas mieux. Frotte ma teub, le génie est blanc, fais un vœu. La chatte à Beyoncé, Ariana, moi je veux les deux. Séquestration stupéfiant, j'ai fait les deux. Bois d'Aroni, Nanterre, j'ai fait les trois. S'il y a des vitrines à casser, frère, on fait les meutes. Mets du shit, mets de la beuh, ou bien mets les deux. Yeah, y'a les rageux, les nombos et les rageux. C'est des CK qu'on tient les manettes, le peur, c'est un jeu. Wesh, ma gueule, la prod est lourde, donc on fait ça à deux. Paris, Hollande, AR, dans la Gova, ça sent la beuh. Partout, Robert Renoir, moi je vous prends à trois. T'ouvres ta tèche au studio, je te ken dans les laitois. Je fais du sale, tu fais le ménage, ferme ta gueule et nettoie. T'es bonne, je te baisse direct, pas le temps de mettre des doigts. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. C'est sur CDC4, la fouine Cozy dans la nocturne 100% rap français. Cozy qu'on va retrouver maintenant avec son Ego Trip 5 Loubo. C'est le nom du morceau sur Skyrock. C'est 100% rap français. Et juste après, je vous balance le son de Jarod qui sort son projet lundi 24 novembre. Jarod dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Privati. Mayo, Calib, Alpha on the car. Cozy, Niama, 9-2. Je sais faire s'élever mon fric, bah ouais, ça se dit sur ses lèvres. Ouais, ouais, ouais, moi, c'est elle qui fait les mecs de tes ainsi que les gens célèbres. Quand t'as trouvé un mec plus haut que toi, Reggie, elle te délaie. Niama, j'passe jamais par quatre chemins. Comme énergie, j'suis direct. Yeah. 2014, hommes ou femmes, avant tous les mêmes dialectes. Baiser, fumer, écarté, jambes, bébé, j'découpe le gueule à gilette. Elle est prête à valer pour le bénéfice de la zipette. Des demoiselles, paraît que t'es une veuve, bon, alors fais que j'te pète. Laisse la joue auprès de ses pinko quand elle monte ses selfies. J'suis un lossa, t'es une salope, bitch, bah ouais, telle mère, telle fille. 10 sur 10, son exercice, mais fais-vous des tailles, fille. Elle se vante une vie d'actrice, si t'es pas viva, tu meurs dans le fût. Keba. Bébé Bélec, mets la peau de cassis, tu veux pas un second dans le dos. T'es en couple, elle s'en bat, la chatte, elle veut être en secondo. Elle est non identifiable, elle se prend pour Jando. Jack à la paille, mais la bouteille d'alcool c'est de l'eau. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur petit cul pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur massacre pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur tamar juste pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Toutes ces filles sont prêtes à donner leur intimité pour du Louboutin. Pour du Louboutin. Pour du Louboutin. c'est dead, elle va manger la pomme dans le jardin d'Eden. Mademoiselle est en mode plus gros que le vaudien, ma gauche dégaine dégaine. Auditeur, t'as du mal à capter mes punch, t'en crois-toi une antenne. T'as go à la maladie de la puterie, masse ta mêle en quarantaine. Pas de service, pas de dérangement, mon yama, surtout quand je ken. Le flow coule à flow, oui, oui, bien sûr, mon yama, comme une gofontaine. Je baisse direct, pas de préliminaire, pillage, car j'ai trop la flemme. Machus, elle aime ton Pérignon, Jack Vodka qui l'écoute dans mes veines. Facilement, elle écarte ses jambes, ma statue dépend du statut. N'oublie pas de mettre la pote Kanyama, car la j'tève, tu. P.O., furtif, t'emmène en palade, accroche ta ceinture. Elle s'y gère toujours à rentrer dans VIP Ego, même quand c'est trop dur. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur petit cul pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur massocre pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Toutes ces bitches sont prêtes à donner leur talma juste pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Toutes ces filles sont prêtes à donner leur intimité pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Pour du loup boutin. Yeah, c'est pas ça que tu visais. On vous aime toutes les filles. On peut faire les filles faciles. Viens, viens, viens, viens, viens, viens. Et pour des loups boutins sales, bien. Gradure, terrassé dans la nocturne. Que tu le veuilles ou non, gros, c'est moi le plus fort. Je sais que je suis pas une resta, donc arrêtez de m'aduler. Faut m'a chargé, les mains du lait. Je vous baisse tous, je vous dois rien. Y'a que maman qui m'a donné du lait. Je les entends tous dire que je suis qu'un effet de mode, que je vais pas durer. Je m'en bats les couilles, je vais voir une joint. J'hésite entre la Manix et la Drax. J'ai un code, j'ai gay illimité. Je baisse des prods à gogo. Casse la démarche dans le hood. Fais le malin au Kozwa et Gogo. Ouais, sale bâtard, négro, je suis un deuxième. Nalobi, Nasa deuxième. Je fais de la trappe, chine des autographes sur des putains de tarpes. Je taffe la semaine, je reviens le week-end. J'enregistre un son et je pars dans ma grotte. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspi. Ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Me casse pas les couilles, je rentre dans ta chatte et je crache direct. Bah ouais, j'ai pas le temps. J'ai RDV avec Nida, putain, y'a trois salopes qui m'attendent. J'ai prévenu mes potes, enlevé mes bottes, enfilé la pote, la tête sur mon bob. Cette salope m'a dit, ouais, gradure, j'te la gomme. Ma bite s'est levée aussi vite que ma gomme. Tous ces bâtards de fouteux qui nous regardent des travers dans la boîte avec leur gros salaire. Maintenant, ils ont plus club aujourd'hui, aucun diplôme. La roue a tourné, bâtard, tu galères. J'crois que j'suis le seul à faire des millions de vues. Et ton gros taf, bah ouais, qu'est-ce que t'as cru, petit fils de pute. Moi j'ai jamais rien attendu du rap. À l'heure où j't'écris, ce sont le Brésilien. Pendant que j'galère dans la caserne, toc toc toc, ça frappe à la porte. Encore un soldat qui veut de la verte. Plus j'rappe à peine, plus j'sors de la merde. Et forcément, ces bâtards me jalousent. Ils m'ont vu entrer, ils pas m'assemblé comme dans les interviews, ils m'ont pris pour une tarlouse. Vas-y, viens, tête à tête, moi j't'attends. Non, j'parle pas, j'sais gay, j'suis black, frais, talentueux, un peu comme Paul Paul. Je le bif et la gova, Balotelli, lit et sa gofani dans mon lit. Je veux pas qu'elle partage mon fun comme J-Max et Noah Lunzi. Moi je veux qu'on partage une nuit. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac plongeant. Je répète, mon papa veut du vie. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac plongeant. Je vais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. Prends sunshine, on lance roquette. Je les attaque au LRAC. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. Je crois que c'est l'heure de nickel rap game. Ouais, ma trappe va les dépasser. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Ouais, dans ce game c'est un peu long. J'arrive pour relever les stats. Mon haleine c'est un mélange de poudre à canon et de jack. J'donne ça. Laisse-les parler, laisse-les baver. Moi j'enchaîne les titres sur ma bique. Mon album va les baffer. Mec, ça fait des piges, qu'on dit chill. Là je vais tout recracher. SP, GNG, à la tienne. Chin, chin, bien bon. Tes maïs sont tous morts. Que des cadavres pondus à des cordes, cordes. Crimi, crimi, j'pète le score. Dealer, oh. C'est la gimmick qui met des teutards. Pas de mimique, moi je vise dans le tard. Saut dans la foule comme une rockstar. Pas de débat, que du lourd, que du sale. Ambiance hooligan dans le stade. Que des vraies barges dans le staff. Train de vitrage, bel écho crash. Bien bon. Si tu gères les bails, chez moi on dit bien bon, bien bon. Pilote, virage serré, même sous sky. On dit bien bon, bien bon. Scred dans la life, tu fais ta maille. On dit bien bon, bien bon. Sors de tôle, t'es déjà sur les rails. On dit j'avais prévenu, ils ont pas écouté. Maintenant rien qui tremble. J'avais prévenu eux et moi, c'est pas la même. Et ça se ressent, je donne ça. Ouais, dans ce game c'est un peu long. J'arrive pour relever les stats. Mon haleine c'est un mélange de poudre à canon et de jazz. Donne ça. J'donne ça. T'as du gesteur and gentleman sur t-shirt. Tu suis ton flair et ne jure pas que par Twitter. La proc tu l'as dans ton viseur. Recalé devant ta femme, tu reviens éclater une Grey Goose sur le videur. Mère seule, tu ramènes la graille à table. T'as refusé de poucave, l'ami d'enfance qui passe à table. T'as crié haut et fort, aïe t'es un bâtard. Y'a de la cheesy pour mes jeans, des Phillies et du Biggie. Une prod lourde signée CHZ. Du lefty, du 1-6, du pili-pili. Des brailleuses à finir, des masses en bikini. Premier album, la même escorte. Direction de ce moment en Batmobile, ces débiles font du stop. Block prod, GNG, ice creamy. J'avais prévenu, ils ont pas écouté. Maintenant rien qui tremble. J'avais prévenu eux et moi, c'est pas la même et ça se ressent. Je donne ça. Je donne ça. Ouais, dans ce game c'est un peu long. J'arrive pour relever les stats. Mon haleine c'est un mélange de poudre à canon et de jazz. Je donne ça. Il y avait SP avec Bien Bon. Et là c'est Bien Bon aussi, le nouveau son de Jarod. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. Ça sort le 24 novembre, Jarod. Je suis le 7-5, j'avance comme un tank. Sur eux, sors, j'essarre de la banque. Et ne t'en peux plus, tu veux mouette. Dis-le, tes potes disent, tu peux le faire. Fais-le, moi et Nerf, on les pèse. On pense qu'à guetter la faute, donne-nous juste une occasion de tout perdre. On va se faire plaisir avant de rentrer en tôle. Pour du cash, on rap. Je passe pas ma vie sur le net. Follow, si je bosse pas pour Watt, c'est que j'ai des choses à F. Solo, si cette fille me traque, j'ai pas la tête à plaire. Salam, elle veut pas me chier là, parce qu'on lui vend du rêve. Sur WAM, c'est Panam, on arrive en ballon, on va les wets sanglants. Je marche calibré que des mecs sanglants. Je suis là pour peut-être 100 ans. Tu connais les bails, arrête de faire semblant. Tout ce qui nous manque, c'est la maille. Juste mon oreille, fuck ton équipe, caraille. On sait que tu racontes ta life. Fuck ton oseille, même si elle est un plus à life. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. j'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais te faire un câble. En plein panin. Tava, tu brasses, tu pénètes, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse tête, tu vas te faire poser. Ils ont pas saucé, ils vont pas te sauver. Mon gars, c'est comme As, j'arrive solo, j'ai peu de partenaires, j'ai ma bande. International comme un communiste, comme un club de foot, comme un gang. J'ai porté les putes, les putes. Tu sais que j'ai porté les putes, ils savent de qui j'parle. Mon gars, c'est comme As, on a grandi dans le check sans marquant des buts. J'suis dur en affaire, comme mon gars va croco. J'respecte les mecs qui font le taf, qui parlent pas dans le vent comme mon gars loco. J'suis solo dans le game. Je suis boycotté par des gays, en vrai les gays valent mieux que ces grosses putes, promis bientôt je vous F la regay. Wesh, tu te comportes comme une pour prendre des cachetons pour avoir des muscles. Wesh, tu suces pour une casquette. Wesh, tu fais le fou, tu discutes. Gava, sors un truc, fais chose gueule. Wesh, t'as la tête d'un SS. Gava, si la juge me laisse faire, je te fais un trou de la taille d'un fessel. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. J'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais te faire un câble. En plein panin. Gava, tu brasses, tu pénètes, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais te blesser. Les volets sont baissés, fais la grosse tête, tu vas te faire poser. Ils ont pas de saucé, ils vont pas te sauver. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de bails, ma gueule. Explicit lyrics. Yo Zolizo. T'es dans le bloc, tout te paraît cool. T'es loin d'imaginer que t'auras des poules au bout. Des poules au bout. Tu fais des sous, donc attire les fous. T'es dans les stories, stupéfiant et de cagoule. Go fast, des litrons que t'es cool. Perquise, les condés qui déboulent. Tu ne peux plus esquiver, ils sont devant ta porte. Des camions de keufs de toutes les sortes. T'es rattrapé, t'es menotté. Devant la juge, t'es présenté. T'as pas eu le temps d'être jugé. Mais une chose est sûre, c'est que 6 années, ferme ta purgée. Tu fais du sale, sale, là, là, autour, là, autour. Tu fais du mal, là, là, autour, là, autour. Tu mets les dos, là, là, autour, là, là, autour. Là où tourne, en plus tu me dois des sous. Là où tourne. Tu ressors de tôle, t'es dans le bloc. Ta consommation dans le froid. Descends donc à des portes, tu toques. Ils arrivent à la taille à bloc. Héroïne, cocaïne, créanime. Plus tard tu t'es mort dans le film. Capuché, tu rejoins des deals. Gop, comment cherche une tête à kill. Yo, Zolizo, Lambo, mon vaisseau. J'étais ma tago, et puis elle te vaisseau. Galaché, on prend à l'assaut. Une balle en tête pour le gadjo. Tu fais du salsa, là, là, autour, là, autour. Tu fais du mal, là, là, autour, là, autour. Tu là où tourne, en plus tu me dois des sous. Là où tourne, et si tu fais le fou tourne. Là où tourne, tu me dois des sous. la roue tourne. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Passe le salam à tous mes ennemis. Passe le salam à tous mes ennemis. J'suis plus rare qu'un astéroïde. Gros cette année, zéro fruit. La rue soulève plus qu'un altérophile. 16 crack, héroïde. On débarque dans la villa. Vodka, champagne, home sky et tequila. Invité d'honneur, se demander qui est celui-là. J'suis médiatisé comme la chatte à Nabila. Mégas, le départ au pas du sportif. La mixte pleure a fait mal et la décortique. L'album va les pousser dans les orties. Numéro 1 sur iTunes avant la sortie. Numéro 1 sur Bitube devant n'importe qui. Mon rap est la rue toujours assorti. Tu peux toujours jalouser devant ton ordi. T'avanceras jamais plus vite que Nord. Je retiens mes foot 3 de M16 et dans les GI sur ses lobettes. Restez pépère, on prend les pépettes. Le reste nique sa grand-mère à l'hypopète. La rue, c'est nous quoi. J'parle aux vrais qui sont concernés. Laissez-les croire qu'ils vous ont cerné. Mais laissez passer ça à l'homme ou le dernier. J'suis l'ennemi qui veut tout savoir. Poteau, j'ai pas trouvé la voie. J'prétends pas tout savoir. C'est chacun pour sa voix. Chacun pour sa voix. Chacun pour sa gloire. Coup de boulette sur le lacos. Pour nous la vie pareil c'est cool. Mineur on était sur écoute. Très tôt les combos sur les coups. Parce que c'est le mal mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Ah, vu que tu jettes l'argent par les fenêtres, je descends sur terre pour ramasser ton bleu. Le rap c'est ma salope, va te faire enculer toi et ton buzz. Je les ai tous vu dire que j'étais le plus chaud dans le game quand je les ai portés. Reste en bas, ils vont t'escorter. Dépasse-les, ils vont plus te supporter. Poto, ils prétendent tous être des vrais. Mais ils font rien comme ils devraient. Faudrait qu'ils arrêtent de parler de moi. On m'arrête, moi je suis comme le progrès. Ils tendent la main alors qu'à la base t'as rien demandé. Réussis vont t'en parler comme si tu leur avais mangé. Je peux pas changer les mentalités. Même avec mes quatre vérités. Je suis traqué comme un sans-papier. Un animal en captivité. Que des dingueries quand je vois. J'ai jamais vu tourner là où. Autant je préfère foncer dans le mur que demander de m'indiquer la route. Laisse-les pas aller faire du bœuf. Tout le monde sait qu'on les baise, baise. Si je me nourris trop de leur haine, j'aurais de quoi mourir obèse, baise. Tous ceux qui m'ont vu monter pendant que je les voyais sécher. Si t'es un vrai, j'ai jamais triché. J'suis pas un rappeur, j'encule tes clichés. Parle de moi, t'allèges mes péchés. Parce que c'est le mal mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. C'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. Parce que c'est le mal tous mes ennemis. C'est la nocturne 100% rap français. Le morceau Ennemi, le clip est dispo. Celui de Niro qu'on écoute à l'instant. Niro est en tournée avec Skyrock. Les dates sont sur Skyrock FM à Palouper près de chez vous. Il est en train de bosser aussi sur un nouveau projet Niro dans la nocturne 100% rap français. Dans un instant, Zoxy qui nous revient pour un message anniversaire pour ses 40 piges. Le morceau 40 piges à découvrir dans la nocturne, ça arrive. Et juste avant, Seth Gecko et Jason Voorhees. Transat. Planète Rap. 100% rap français. Yeah. Mars. Oh. J'prends vite contact. On est rapide dans la Transat. Transit, Zuzat. Pour être tranquille sur un Transat. Transat. Transat. Transat. Pour être tranquille sur un Transat. Yeah. tu veux du rallye, m'intègre à la CAF. Quand c'est Kebra la Brinks, intégral et le casque, impérial et mon lyrics. Va des rétro Satanas, on attend l'antéchrist, eau bénite dans la calache. Trahir ses propres poteaux, c'est comme les planter avec un schlass. Liker ses propres photos, c'est comme se branler devant la glace. Bouquet, Bahamas, baratapin, baratapas. Un chasseur tombe toujours sur ses pattes, sauf si on lui attache. Oh Hems, on retombe toujours sur ses pattes, ma couillasse. Si tu tombes sur une pute à la chatte qui hupe, c'est sûrement un Yadas. Sans liasse, j'ai le blues du businessman. La chatte à Patricia casse, promis sur le GX et sur Yakas. Laisse apprécier la casse. J'prends vite, contact, on est rapé dans la transat. Transit, Zuzat, pour être tranquille sur un transat. Planzat, transat, transat, pour être tranquille sur un transat. Bah oui, déménage, car j'ai bien ajusté le pH. Quand y'en a plus, faut faire un go fast. Non, ça craint pas, y'a juste les péages là. Pas le temps des casaniers, l'argent n'attend pas le manque à gagner. Quand je dois chercher de l'amnésia, à Meuda, j'ai un mandat d'amener. Je les fais fumer, puis elles font les folles. Ça me saoule, paranoïe. La nuit elles fouillent dans mon téléphone. Ça me saoule, j'ai cru régler le problème avec cette pute. En l'avortant, la vie c'est important. On va tous mourir un jour, le tout c'est de savoir quand. Rien à foutre de mourir riche ou pauvre sur mon compte. D'avoir tant, la vie peut s'arrêter à tout moment. D'un accident, d'un tir à bout portant. T'es en perte de vitesse, t'es faible en business. Si t'atterris au rap, ça feront pas long feu tes petites fesses. J'prends vite, contact, on est rapide dans la transac. Transit, Zuzat, pour être tranquille sur un transat. Planzat, transac. Transat, pour être tranquille sur un transat. J'préfère être un local à la Phuket qu'une poucave dans un local à la poubelle. On se casse le bocal, on boit le sky sans glace, on cul sec. On se casse en cul-sec, toi on te laisse le wagon couchette. Rouge et le carton, car Kabyle et le coup de tête. On vise les sommes astronomiques, plaisir sexuel, plaisir gastronomique. Scorpion, mon âme favorite, car Scorpion, deux signes astrologiques. J'ai trop serré la ceinture, je ressens plein à 8. Je préfère avoir du sang sur les mains que de la merde sur la bite. Bah oui, déménage, car j'ai bien ajusté le pH. Quand y'en a plus, faut faire un go fast. Non, ça craint pas, y'a juste les péages là. Pas le temps des casaniers, l'argent n'attend pas le manque à gagner. Quand je dois chercher de l'amnésia, à Meuda, j'ai un mandat d'amener. Pas ton petit GX. Oh. Planète Rap. 100% rap français. Nocturne. Zouxi dans la nocturne. Sans mon micro, jamais sans mon easy. Rien que j'entends les cris quand je monte sur scène abusé. Sans cher et ses fils là, y'aurait pas de quête busy. Sans cœur, mélo, philo et moi, pas qu'est-ce que tu dis. J'ai plus grave de la dope quand j'y reprends, je suis malade. En dojo rêvé, j'étais comme une feuille de salade. Y'aurait pas de slash pour être sans le poteau d'Annie. Aucun fils de traître dans nos poteaux de famille. Papa aurait voulu que je sois une star du ballon. J'ai fini star du rapper, ce qui fait je t'arrête le ballon. D'ailleurs, une pensée pour ceux qui là-bas croupissent. Conseil petit, méfie pas des radars groupies. Au début, tu les pèseras comme n'importe quelle pouliche. Au final, tu les laisseras même en triant pouliche. Bref, dans mes prochains morceaux, j'espère y'a plus de gros mots. Mes petites nièces qui trop mon flow, ils like mes photos de promo. Un gramme, deux grammes, trois grammes, ça crâne sur Instagram. Ça braque, ça deal du crack, ça prime en gros de berline, même en safran. Parce que je rappe comme un boss dès que je suis king de Boulogne. Transmets mon savoir aux gosses d'ici de Bourgogne. Écris tout dans la tête, dans mon crâne ça bouillonne. Dans le rap, je suis comme un vieux, mafieux, vers ça bouillonne. 11h, on ça pourrait être mon putain de loco. Le 11 enchaîné, amenez-moi des putains de gogo. Ta vie sur le KDP, sont des films, nos yeux sont des GoPro. Beaucoup trop pieux pour finir dans ce milieu. Beaucoup trop pieux peut te punir pour mille. Pourrait être haut de me repentir devant Dieu. Pépère au pieux, j'espère partir au cieux. Et si on parle franchement, je suis pas le seul fautif. Dis vrai, même quand je mens, je suis pas comme ces fautifs. Toujours dans l'air du temps, pour ça que n'est gros kiff. Qui pour ou ramadan, péter les deux possibles. Hier j'ai failli béton, port illégal, métal. Car qui trahit ses cons, mais ça torche le mental. Je me donne la force, puis 40 mesures j'étale. Album dans le coffre fort, écrit dans les étoiles. Album dans le coffre fort, écrit dans les étoiles. Et pour tous mes criminels fanatiques, je vais vous donner un année 90 style de refrain, niggas. Ça fait. Yo, plus de 20 ans dans la musique, toujours garder la même éthique. Mon équipe flingue automatique. Ces oxy psychosomatiques, sache pour zéro défaut ma clique. Goûtez ma shit et arrêtez-vous. Qu'est-ce qui me fait marcher depuis à m'auto-briller? Toujours la passion du son, garçon, on n'est pas prêt de plier. De toute façon, on va enquiller, à fond nos parents ont prié. Tout plus d'MC qu'il n'y a de mégots, de cigarettes dans tout cendrier. Planète Rock. La nocturne. Regarde où on en est. Le hip-hop dénaturé. Plus de conscience, plus de texte, plus de messages engagés. Sauf celui d'acheter. Tous ces MC intéressés. Les mecs Slash ou Dr. Dre, ils sont tous trop lourds, mais pas au sens figuré. Ils ont remplacé les majors pour produire des talents. De la thune encore, la pas du gain, dire de la merde aux gamins. Aujourd'hui c'est leur gagne-pain, salaud des Ferrari dans les peuclis. S'affiche avec des modèles en bikini. Grâce à ton argent petit, se font leur fortune sur votre dos. Reprends ta variette pour enfoiré gros. Ça clash pour du buzz, ça buzz pour du cash. Le pire c'est que ça marche, non vous n'êtes pas fashion. Confiant qu'avec une main sur le gun, poser des jeux de mots de beauf pour eux, c'est devenu fun. Ils se croient tous au summum, oui celui de la connerie. Ils vous mentent tout le temps, disent qu'ils sont là pour vous mais ce n'est que du vent. Des hypocrites, ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si ils disaient de la weed. Des hypocrites, qui assument cette merde, qui passe sur les ondes à cause de eux le rap est dead. Des hypocrites, ceux qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap s'est transformé en dance. Boycott les MC, c'est ce qui nous fige. Oh, Stone Boy, c'est quoi ton place déjà? Oh, avec des fast classes, tu nous fige. Oh, nous rap pas plus de ça, t'es la louja. T'as fait quoi pour hip hop à part travestir en pop stop? Projeter les anciens. Stress, fume, club sur club, Skyrock. Premier sur le rap, pourtant énergie, vibration. Sans le même hit, regarde leur fuite. Le rap c'est tellement ouvert qu'il en fait le grand écart. Au début, un bon départ, mais à l'arrivée, les MC deviennent des comptes pétards. Ça part toujours des mêmes gens, et pourtant j'ai eu voir d'MC doués aux quatre coins de l'hexagone. Mon souhait qu'un jour on leur donne la chance. Si je pouvais, je les mettrais tous en avant. Pas comme ces hypocrites qui font style de les aider, mais lors du succès, on vite fait de les oublier. Ils vous mentent tout le temps, disent qu'ils sont là pour vous mais ce n'est que du vent. Des hypocrites, ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si ils disaient de la weed. Des hypocrites, qui assument cette merde, qui passe sur les ondes à cause de eux le rap est dead. Des hypocrites, celles qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap s'est transformé en dance. Appelle-moi si tu veux de la pure, tu veux de la rime, j'en ai de la bonne. Je parle pas coke pour tes narines, je buzz pourtant j'ai pas d'album. Tu veux percer dans le rap, dis-moi comment tu tiens ton beat. J'ai mangé quelques wacks, j'ai un texte, j'ai un jab dans le beat. Moi je nique les macaques, j'ai l'emprise et le mic, tu reprends des claques. J'encule les négames et les keufs qui pensent que j'ai pété les plombs. Pour méga G et méga Joe, trop de gâchis, c'est les gâchos. Rap sur gadget, deux coups de machette qu'il faut cacher. Goûter le flow, fluide comme une chatte qui mouille. Les mecs bande, mon crew c'est pas un boy spend. Star pas saisi, rembobine la bande. Check ces salopes qui se contredisent. Monde la contrebande de comédie, produit gang bang. Du rap en vente peu comestible. Mon rap c'est la médecine que j'ai prescrit. Je connais ta meuf et sans que le mic on peut dire que je suis presque bi. Arrête le rap, négro, t'es naze, arrête. Et puis du flow, mais de l'eau bénie, je bénis les MC comme Jésus de Nazareth. Hypocrite, ils vous mentent tout le temps. Disent qu'ils sont là pour vous, mais ce n'est que du vent. Des hypocrites, hypocrites. Ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si il est de la weed. Des hypocrites qui assument cette merde, qui passent sur les ondes à cause de eux, le rap est dead. Des hypocrites, celles qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap c'est la nocturne, 100% rap français. Phileas Flow à l'instant avec Mistone, dédicace dans le 4-5. Et également Ogin Damon, et c'était le morceau Hip Hop Crazy. 100% rap français, planète. La nocturne. La Fouine XO, ensemble sur le même morceau, c'est dans la nocturne, 100% rap français, c'est sur CDC 4. Plus le temps de parler pour rien, gros, ma voix sonne comme un. Ton meilleur pote, ta banane, ass bat, laisse parler les. Et tu peux sortir la calage, vois la mort en face sans entendre les. Et les 9000 discutent entre eux, font du bruit, j'entends les. Et tête à tête, c'est fini, crissement de pneu. Et tête à tête, c'est fini, pssht, plus d'extinte que des. Chalade, F.A. babe, j'attends la symphonie des. J'suis condamné à régner, ouais, t'es qu'à la coude. Jusque devant ma porte, ces fils de pute font parler. Tôt ou tard, et le perron, n'oublie rien sur la tête de mon. Plus le temps de parler pour rien, douce mélodie, t'es allé. Sors de boîte, pété, bitch, écarte les cuisses que je rentre, moi. On cartonne comme Ayrton, donc tous ces rageux veulent nous. Pour niquer leur daronne, comme Nicky Larson, ça se réglo. Quand l'heure de la vengeance sonne, entends les horloges chanter. Ton buzz n'est plus dans l'air du temps, je vois ta carrière étranglée. Attaque soviétique, décrocher le flow à Staline. Pour éteindre une embrouille, négro, va falloir que t'allumes. Comme des bassos dans un chargeur, toute ton équipe en la ligne. C'est l'histoire d'un bazooka qui voulait viser la lune. Sur un clic-clac, t'as surpris Tahlène, ça finit en boucherie. Les balles se perdent, les corps se trouvent, pas de témoins, pas de soucis. La poésie des cloques et des histoires finissant. On t'allume pour une clope, dans ta base, ça finit en. Mon prof c'est Yuri Orlov, si le savoir est une arme. Tous les tirs sont cadrés, normal ici c'est Paname. Un Glock dans la bouche et les chargeurs bégayent. Un corps sur la touche et on part en YZ. La chaleur de la vengeance, la froideur du métal. Quand un gars tire en l'air, y'a pas que Bolt qui t'écale. Ce soir le rap français finit noyé dans la scène. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais leur SACEM. Yes. Un son pas de face comme le Kaniki, Xofuni bang bang, vas-y sors le liquide. Transaction illicite, mon équipe rapplique. On gère le bis en piste de paye au carré vif. Nous c'est les R, c'est quoi ton équipe? Cette année j'prends le titre et la Champions League. Flow caméléon, sur l'instru je m'attarde. La voix qui électrique, puis j'provoque des aïe cardiac. Arnaque, arnaque, oui j'vais la mettre. Cloqué, chargé, bise dans la tête. Que personne m'arrête, on m'a dit tout cramé sur le CDC. CDC, depuis tout petit, juste requin dans cette piscine d'MC. MC, savent comment j'rappe, comment j'trappe, comment j'dream. Salut et tous, c'est le prince de la ville. De cette zéro, tout qui fait l'industrie en tournée dans tous les. J'ai fait du chemin depuis la compil face bear. Mande abusant, j'tabasse le rap, mais les gros pensent mal. On a fini à l'hôpital, on a plaidé coupable. Violence et réunion, on a plaidé coupable. J'sors de l'école de la rue et pas nous t'es le sang. J'suis devenu un pêcheur en mordant à l'hameçon. J'veux plus tourner en rond, j'en fais sur terrain. Young nègue, pense comme un ancien. Les potes m'ont dit, ça t'es que tu kicks. Tu veux rapper, arrête la bibi. Tu veux rapper, arrête la bibi. Les gars t'écoutent même sur Facebook. Ils like, ils tweet, tu connais la suite. Tu connais la suite, grosse munition. Perquisition, billet d'avion, on part en fuite. Planète rap 100% explicit lyrics. Dossé Kaïps 100% rap français. Obligé de sécher pour bon, bon. Dans la mer jusqu'au cou. Bon. Douniam joue des tours, seul je décide. La baraka n'est pas au rendez-vous. T'es pas seul qui doute, je suis dans le même cas. J'tire sur le pilon, la peuf me shoot. Les agresses, le meilleur des arguments, j'détruire en silence. Personne pour t'entendre, pour la contre-chance. Dévié par les narcotiques, y'a que les semblables qui peuvent te comprendre. Impossible d'attendre, faut être con pour se tourner les pouces. Pour ensuite espérer sur la chance, j'veux pas t'apprendre. Tout est à vendre, tout est assuré. Eh ouais, j'suis là, les flacs se sentent rassurés. Position missionnaire, Marianne je veux la fourrer. Libérer Hassan, pas d'enculé. À 3,80 sur le taureau du crime. Les Audi n'ont jamais l'intention de reculer. Enculé, enculé, enculé. Je veux pas d'une vie ordinaire. Qu'est-ce qu'on s'en prie les mille.

sais pourtant que je dois vivre avec les choix que je fais. Un gobelet dans un gobelet, je me laisse aller, je prends des bourrelets. Un cône gravé sur la joue, je vous attends fusil sur les genoux. La montée de la violence, je vais te sauter, je vais t'attaquer. Où est le bien et le mal, posséder ou partager? C'est où commence ta liberté, je sais pas où la mienne s'arrête. Je veux juste cracher ma danette dans le grand forum de la planète. Je veux perdre des combats mais gagner la guerre, même avec des petites victoires. Tu viens d'en bas et tu connais nos misères et tu veux devenir un flicor. Ceux qui me suivent même, les autres je les ken, c'est comme ça partout c'est la même. Je récolte ce que je sème, il n'y a pas de blême, je vais faire justice moi-même. Je ligne pour moi et ma peine, je ligne pour moi et ma peine. Comme si j'étais Gucci Mane, comme si j'étais Gucci Mane. Bombardier noir dans la Audi, Galas, un bonnet Raiders. Original et le Audi, nique sa race à tous les haters. Sors un album qui bicrave, et les négros vont te clasher. Sors un album qui bicrave, et les médias vont te lâcher. J'attends que tous ces mythos périssent. J'arrose la fouffe du game et j'attends qu'ils sont qui fleurissent. 2 CD, 2 R au poteau. Double A et qui étale sa doum. Pablito 2-7. Pour son rap français, Planète Rap. La Nocturne. On reste dans le label Def Jam avec Joke maintenant. Après le son de Caris comme Gucci Mane. Hey. Uh-huh. Yeah. Jaune et vert, pistache et citron. Et poisse la dos pour ceux qui bicravent des litrons. Et poisse et grilles en or et puis s'endort. Le lendemain se lève pour s'acheter du Christian Dior. C'est la moins normale des filles normales de Paname. Et c'est que dans son pied car les nègres c'est canard. Mais ça l'intéresse pas et roule en veste pas. Vend en club chaque samedi pour croiser des stars. VIP room, cristal, tapis rouge, cristal. Tapé là c'est sur canapé, Chesterfield, matelas. C'est fast life, faut pas se faire attraper par le passé. Flan seul sur Saint Honoré avec des fringues même pas repasser. Et rêve de podium, de Karl Lagerfeld. Pas économe et porte du Givenchy, collection homme. Sur son blog elle parle de Hermès ou APC. Et pour ça, elle bicrave de la CC. En fait, un héros de Chicago pour s'acheter du Jeremy Scott. Extra, MD, cocaïne. Mais qu'est-ce que c'est pour un sac Céline? Bicraft cette drogue, bicraft cette drogue. T'auras droit à ce que tu vois sur le blog. Bicraft cette drogue, bicraft cette drogue. T'auras droit à ce que tu vois sur le blog. Bi violet. Myrti, le temps lui a volé. Ses rêves de petite fille. Elle trouve tout son bonheur dans le beau linge, dans les codes bas. Elle rêve de s'acheter une Chanel, une Rolex ou une Audemars. Elle se fait serrer par un keuf dans le pire de ses pires cauchemars. Elle doit passer 20 grammes au ré, mais faire ça un autre soir. Elle se retrouve à Villemontaine dans une soirée mondaine. La montée quelques marches pour descendre des cocktails. Fais passer la cam, reste pour boire quelques martinis. Laisse donc porté par la nuit tant que la soirée n'est pas finie. Mais une fois la petite arrivée chez elle, mauvaise surprise. Elle ne retrouve plus son phone, elle se met sur le lit et essaye de passer des appels. Une femme répond, lui dit de venir le prendre à son taf sans poser de questions. En fait, un héros de Chicago pour s'acheter du Jeremy Scott. Extra, MD, cocaïne. Mais qu'est-ce que c'est pour un sac Céline? Bicraft cette drogue, bicraft cette drogue. T'auras droit à ce que tu vois sur les blogs. Bicraft cette drogue, bicraft cette drogue. t'auras droit à ce que tu vois. Le lendemain, elle se prépare, une Céline sur les lobes. Elle prend le RER, a mis sa plus belle robe. Se dit qu'il serait peut-être temps de se trouver un vrai job. C'est peut-être les keufs, elle aurait pas du bicrave toute cette drogue. Le lendemain, elle se prépare, une Céline sur les lobes. Elle prend le RER, a mis sa plus belle robe. Se dit qu'il serait peut-être temps de trouver un vrai job. Sans se douter une seconde qu'elle a rendez-vous chez Vogue. En fait, héros de Chicog. Pour s'acheter du Jeremy Scott. Extra MD, cocaïne. Mais qu'est-ce que c'est pour un sac Céline? Bicraft cette drogue, Bicraft cette drogue. T'auras droit à ce que tu vois sur les blogs. Bicraft cette drogue, Bicraft cette drogue. T'auras droit à ce que tu vois sur les blogs. 100% rap français, planète. La nocturne. Foulek Empire. A2L, CPLS, CI12, sur off officiel. Où j'ai fait le tartar, fait le boulot, game out, flow, punch, culot. Des MC bateaux, j'ai la tête sous l'eau, ça vient de partout. 9-1, 9-2, 9-3, 7-7-7, 8-7-5, 9-5. Y'a le 9-4, les refs et les 5 négros, on est trop. Y'a même nos boulons, girl, Babdou, un tout, Black Pearl. C'est le cas, on embarque dans le quartier nommé le Black Pearl. Le car, il est paro, à la Jack Sparrow. Il faut prendre cher, peu importe le tarot. Pour les refs, on ferme et vendre ce qui est paro. Je mets des lunettes aux assises, on m'a dit de me tenir à carreau. C'est pas un son, ça, c'est un coup de nerf. C'est pas un flot, non, c'est une rivière. Elles se dirigent tout droit dans leur mer. Loin devant, à chaque fois, on leur met au fond. C'est le but. Frollo ici, c'est Paris. Gucci, Loops, Nasser, Bif, Qatari. Brushing, Loop, pour les bitches. De retour en solo, pas à 4. Harry, nique ton speech. Une fois de plus au contrôle, fais mieux les chats. J'arrive. On va violer les stars de Paris. Coup de tête comme si ou coup de feu, coup de chasse. Bref, j'varie. Minimum à domicile, tu connais le tarif. Laisse-le au fond du tableau, voilà l'homicide, tu sais ce qui arrive. Dans le club, troisième mi-temps, 11 heures les plus tardifs. Bif sur bif, vodka spif, on fait toujours la diff. On est pas là à l'aise, comme moi sur le beat blesse, me l'a dit. Devine qui pèse, devine qui vous pèse, devine qui vous blesse. Dans les tribunes, y'a tout, des hommes politiques et des Tony Montana. Sors le drapeau si t'en as les crêtes et le coup de cheval attire les satanas. Bête de karma, on maîtrise toujours le jeu. Le son qui compte, c'est les plus gotarma de la capitale, qu'est-ce que tu veux? Quel est le format? Fin des raids, qu'est-ce que tu peux? Fais pas d'arma, lève les mains, on lève les armes. Feu, laisse les faire les pitres, moi je fais la diff et le titre. Des terres de Robespierre, on est des terres, les enterres à chacun de nos hits. Ça paraît logique, c'est dans nos cœurs, pas de stratégie. Pour vous, Paris est romantique, pour nous, Paris est magique. Alain Delombe dans la nocturne, 100% rap français.

6 gros, dis ton 6 gros. Wesh ma gueule à la tienne. Plein de billets verts, pourtant j'ai pas signé chez Saint-Etienne. Fais pas l'over ray. Si ta meuf dans les chichas sus pour un caisse d'essay. Tu bouges pas, non tu sers à rien. T'as pas de feuilles, non tu sers à rien. Quand on fume ta beuh, on ne tousse pas. Ta meuf ne pompe pas, vous servez à rien. Rap français, je fais l'amour. Je partirai au sommet comme Achour. Des fourrailles sur les hnouchas. C'est pour mes miss mourtes comme Foja. Si tu donnes des tuyaux comme Huggy, Huggy, ne crois pas qu'on va serrer ta putain de main. Comme dans la française, je sais pas si t'as vu. Y'a toujours un mec dans le groupe qui sert à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. Je fais plus de beef que le 6 gros. De ton 6 gros. De ton 6 gros. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Salvatore. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Salvatore. Je vais te pendre avec ma Salvatore Faragamo. Faragamo. Je fais plus de beef que le 6 gros. De ton 6 gros. Salvatore. Yeah. C'est de ces 4. Ça sort lundi. On l'a découvert cette semaine dans Planète Rap. La Fouine, tu sers à rien. C'est le nom de ce morceau qu'on écoutait à l'instant. On va faire une session classique maintenant. Dans la Nocturne 100% rap français. 41759 pour les messages. Le hashtag Skyrock. Nocturne, session classique. Allez, pendant une trentaine de minutes maintenant. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Paris, hey. La Fouine, mon enfant. Oh, oh, oh, oh. 72. Oh, oh, oh. La Fouine. Reste dans le chien. Tu veux nous faire un chrome mais tu connais personne. Reste dans le chien. Tu veux sortir le gamos, ta tasse n'est pas bonne. Reste dans le chien. Tu veux rentrer au kino, vipé au duplex. Reste dans le chien. La pêche c'est crasseuse et la quenne sans la tête. Reste dans le chien. Pas d'étage, pas d'étage, pas de mandat rarement en promenade. Reste dans le chien. On s'allume au gomme comme la higue comme héritage. Reste dans le chien. Veux nous sauver à Fouine, là, t'as pas le son dans ta go. Reste dans le chien. Sur le fond d'écran de ta tasse, ma gueule, il y a ma tour. Reste dans le chien. Moi, tu veux sniffer ma taille, t'asseoir à ma table. Reste dans le chien. Sniffer ma non, non, t'es pas un mec de trace. Reste dans le chien. T'as beaucoup à tous tes potes, tous tes rêves, la tôle t'a marqué. Reste dans le chien. Tu veux que je décroche, t'appelles toujours en masque. Reste dans le chien. T'as pas le palmarès de Samuel Lego. Reste dans le chien. Tu t'es fait crier comme tu naissais à Keto. Reste dans le chien. T'as voulu clasher, j'ai brisé ta carrière. Reste dans le chien. Pas de DeLorean, pas de retour en arrière. Reste dans le chien. T'as pas de contrat d'embauche, tu veux faire de la semi. Reste dans le chien. Et tu fais plus de bruit qu'un putain de nuit. Reste dans le chien. T'as jamais cru en moi et maintenant tu me suis. Reste dans le chien. Tu changes de pote comme de fun, comme de pute. Reste dans le chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste dans le chien. Je voulais gérer cette tasse en thune et elle m'a dit. Reste dans le chien. Je voulais taper sans diplôme et le gars m'a dit. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste dans le chien. Je voulais gérer cette tasse en thune et elle m'a dit. Reste dans le chien. Je voulais taper sans diplôme et le gars m'a dit. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Banlieue, de la Fouine, tu décèdes, tu es, c'est dangereux. Banlieue, de la Fouine, tu décèdes, tu es, c'est dangereux. Banlieue, de la Fouine, tu décèdes, tu es, c'est dangereux. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit je pèse, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. Tu veux m'attraper dans tes chansons, bonhomme faut qu'on en parle. Autour d'un 3-5 c'est Magnum, rempli de bars. Reste dans le chien, je m'intitule gangster et l'attitude austère. Quand je prends le mic, t'as putain tous mes posters. Auprès des jeunes j'ai de l'impact. Je te le dis franchement, si tu passes à la barre, prononce pas mon blaze à ton jugement. Bienvenue à Poulby, on t'interpelle sur un coup de fil. C'est nous le profil, n'a pas de profil. Je te le dis, j'ai vendu coke shit. Pas besoin de lire entre les lignes. Je ne compare pas mes délits et mes délimes. Dans des gros bis pour du gros bif. L'oseille n'est que de passage. J'en donne aux prostituées au salon de massage. J'arrête de fumer toutes les deux semaines. Tu veux ma chaîne, Marias, ma chienne. Reste ton chien. Reste ton chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste ton chien. Je voulais gérer cette t'as sans thune et elle m'a dit. Reste dans le chien. Je voulais taper sans diplôme et le gars m'a dit. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Reste dans le chien. Tu voulais qu'on fasse ton son chez Cut Killer. Reste dans le chien. Si t'es un keuf, un huissier, un inspecteur. Reste dans le chien. Tu veux monter sur scène mais tu mets pas le feu. Reste dans le chien. En plus tu t'es fait caler chez couvre-feu. Reste dans le chien. Trop de fleurs, trop de tasses, trop de keufs, t'es d'avant lieu, ouais, où tu. Reste dans le chien. Testé mais non, non, non, pas les ça chez nous. Reste dans le chien. Tu veux des gifs, gifs. businessman, t'as pas d'équipe. Reste ton chien. Tu veux serrer, tu sais pas parler, les meufs te cheat. Reste ton chien. T'es recherché, t'as fait des chromes, t'es dans la merde. Reste ton chien. T'avais ski dans le sud avec des kikis l'odeur. Reste ton chien. Paris, j'arrive 78, voilà mon empire. Reste ton chien. Tu veux tester, man, une seule chose à dire. Reste ton chien. La nocturne. Écoute, fils, voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le pisse, fais briller les jeans. Les pauvres claquent, mon style craque, reflète une zac. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi. Seul le grippé, la nuit qui se déploie. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Voyons, ici chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuce recouvre ma tête grillée. Pour deux ou trois billets, le chrome je fais briller. Le lunatique fils tire les déguises. T'as pas besoin de dessin, pas besoin de putain d'esquisse. Frappeuse, le mets à poil comme on garde à vue, enlève tes lacets. Tes chaussures, ton jean, ton bracelet. Le pisse fait tomber les liasses, quelle que soit la saison. Souvent la prison, au bout du tunnel, mais le réseau s'élargit de jour en jour de nouveaux venus. ALIB2OBH, t'aurais prévenu. Le crime paye. Le crime paye. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye. Si t'as pas de fils, repose en paix. Je suis hors la loi, devant elle, je veux pas ramper. Je m'introduis la nuit quand les gens sont endormis. Le code de la rue est rude, pas besoin de permis. Parle plus d'école, je sais que les refrains déconnent. Préfère fumer de l'herbe et emmerder la PRP. Braquer un petit con avec un 3, 5, 7, piton. Puisqu'on est jeune, profitons. Puis ton gun devient une poule, un vice roulant. Et hey, yo, dis-moi, fils, paraît que tu roules en merco, les narcotiques payent. On casse flow, B2OBH6, un fat flow. J'ai déterré la hache, enterré la colombe. Regarde le bis de hache, de Boulogne jusqu'à Colomb. Je suis trop pourri, quand je rentre, ça sent le moisi. On reconnaît mon haleine de Fleury jusqu'à Noisy. J'ai choisi mon chemin, non, je crois que c'est mon destin. Et si tu as un problème, je te plante dans l'intestin. C'est le festin, t'es de lunatique. Tu veux en test un, si tu en tues un, protège ton dos, il en reste seul un. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye. Si t'es pas chez nous, t'as rien appris. Les vrais auprès savent bien comment l'argent se fait. Décider à miser tout dans le pisé. Passer au-dessus des lois et ça sans visa. Vise la dégaine de ceux qui ont traîné leur semaine. Plus d'une fois sur le bitume. Tout comme le veut la coutume de ceux qui n'ont rien. Tu sais, le crime paie, protège tes seufs, chef, tes fesses, et les méfaits cessent. Regarde ce qu'on F, un leur dit sort une save honnête, et les yoyans bavent honnêtement. Les négros savent comment faire de l'argent bêtement. Easy, du casse à la sugaril, easy. Mon rap, un poème sans poésie. Et puis quoi, ça fait quoi, dis-moi toi qui sais tout. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Seul le crime paie dans les villes du 9, c'est doux. Face à face, que des regards froids, y'a pas d'yeux doux. Protège ton dos, les couteaux sont aiguisés. Les frères déguisés pour des tubes peuvent te briser. Comment mépriser l'argent quand tu n'en as pas? Le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu la part. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets, si t'entendais. Seul le crime paye. mort pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Les manques maniés, la scie est pour des billets. Et si t'entendais, seul le crime, babe. Yo,

C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Effacer pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur terre. La foule et la terreur des gosses, des mères qui pleurent. Qui l'apocalypse, les rues en feu, chaos, des cris d'horreur. Magasin pillés, cambriolage, braquage, rap de billets. Voitures brûlées, femmes violées, le sang coule dans les villes dévastées. Tu boyais jusqu'au rompu, t'en sorte à payer. Dans le vice noyé, l'instinct bestial, j'entends aboyer. Le mal choyé, t'as choix que si tu peux le monnayer. Chacun se tape le vrai visage que chez ta nuit à tailler. Et yo, y'a plus de justice, la folie balaye tout sur son passage. On parle de carnage, de crimes gratuits, de génocide, de lynchage. Le tonnerre gronde, la pluie s'abat sur terre pour tout effacer. Dieu créa les hommes, les âmes pour se tuer. Y'a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie. La religion plus de miracle, la science misère débattre. La soif de conquête, l'avidité, la fin, l'ambition. La quête de pouvoir, de dominer peuple et nation. Destruction, remake de Mad Max, frère contre frère. Guerre atomique, terre perdue, décadence, rêve déchu. Trop tard pour reculer ou regretter, se lamenter, pleurer. J'emporte avec moi mon passé et tout le mal que j'ai fait. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Session classique, history. La Kika, la Squadra, un dernier jour sur terre dans la nocturne 100% rap français. The next level, the next level, the next level, the next level, the next level. Mon coup bouleverse, c'est violent, comme un film de John Woo. Plus de phrases que de balles qui fusent dans un film de John Wayne. Je frappe à coups, comme un nunchaku. Il me reste du lyrical kung fu pour les loups. J'ai à mon coup, fait que craque les faux types qui font de l'intox. Une grosse clique, une clé MC, comico, micro. Tu félicites, tu fais du zèle, félicite pas. Patate dans scène, que d'embrasse le sel. J'ajoute mon grain de sel, te coupe les ailes si tu croyais voler. On sort des rimes de boss, pêle-mêle de nos pélé-pélés. Comme elle t'a Skelta, non wesh wesh, mon flow plane comme un delta. J't'ai fleuré, t'as eu chaud. J'lâche du lest, lèche les MC en bas mon lust. Parfume l'air comme la marijuana. Oula, les flics m'encerclent comme des oula. Oup, mat, ma sap, ma coupe, chope le bout d'un king shoot. Mes flips tous, des frères forts comme Barakuba. Moi, Barakuba, j'casse la baraque à coup de Bouddha. Pire qu'à l'heure d'IG dans les poches. Ce qui intéresse tout le monde, le dernier son des X-Men. Fille de la click time bomb. Ce qui va faire danser les mioches. Dans les parties là où les renois sont tous foncés et armés. Comme dans Saski Hutch. Fais gaffe fou, si tu bafoues mon business, tu vas te prendre une baffe fou. Le prochain qu'on va entendre, faire du rafuge en rap, on va le pendre. Si après ma descente un ennemi s'en sort, tu sais sans doute son soir il faut le descendre. Les pipettes style dès qu'ils ont l'occasion. Vendez-les. Pipettes braille quand ils ont l'occasion. Vendez-les. Si c'est Yann s'accroche et grimpe pour Yann, descendez-les. Menez le montant et porte le châtillon. Les M6 nous châtillons. Les flippettes style dès qu'ils ont l'occasion. Vendez-les. Pipettes braille quand ils ont l'occasion. Vendez-les. Si c'est Yann s'accroche et grimpe pour Yann, descendez-les. Menez le montant et porte le châtillon. Les M6 nous châtillons. Je rappe pour manger, mais je sens venir le danger. Ceux que j'ai privés d'assiettes veulent se venger. Quand j'ai fait mes premiers pas dans ce biz, j'étais hargneux, faut se ranger. Les gens que j'ai connus sont plus les mêmes. J'prie le dieu du rap de jamais changer. Apporte pas ta tête vendue. J'suis de porte de vendeur. L'atmosphère est tendue. Des mecs m'en veulent. Ils viennent, je les ai entendus. Ils sont tous des grands gueules. J'suis au point, j'suis au point. J'mène au point, mes potes comptent les points. Quand tu fais ce que tu peux, t'es sur le point. Dribble, fiston, plus j'rappe. Plus tu t'enlises dans mon flow mouvant. Ta clique rapplique trop tard, te die, c'est émouvant. Je les blesse en leur tendant un Kleenex avec de la morve dedans. Boum dedans, au moins. Je veux pas que les bides, on peine le guidon, de façon c'est évident. Sur la planète, time bomb. Terre promise des MC. On y cultive le style, les vibes, ainsi que la sunsea de MC. Aussi indispensable que tes deux yep. Sans eux, tu fais tiep. Ferme ta bouche, touche même pas à mon chef. Si on choque, on t'escroque, donne-nous ton shit. Vite, mec, vite. ton sac ou reste loin de nous. Les flippettes style dès qu'ils ont l'occasion. Vendez-les. Pipelette braille quand ils ont l'occasion. Vendez-les. Si c'est Yann s'accroche et grimpe pour Yann. Sans délai. Menez le montant et porte de châtillons. Les M6 nous châtillons. Les flippettes style dès qu'ils ont l'occasion. Vendez-les. Pipelette braille quand ils ont l'occasion. Vendez-les. Si c'est Yann s'accroche et grimpe pour Yann. Sans délai. Menez le montant et porte de châtillons. Les M6 nous châtillons. Français, planète rap. La nocturne. Petit banlieusard, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la maf, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort. Ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr, fallait assurer son père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes. Fasciné par Mané, Ginger et Sam. Moi c'est mon monde et je ne suis pas un cabard. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. J'aurais peut-être né quelque part en fait. Merde, je me perds. Métissé, je reste cul entre deux chaises. Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste? Qu'ai-je fait pour qu'on me teste? Qu'ai-je fait pour qu'on me blesse? Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir. Ex, petite fille invisible, accroupie dans un coin de la cuisine, l'oreille déforée par la rime, je la foulais ma vie de rêve. Loin de la fille de merde de ma mère, pleurant sous les rappels du système. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le dick, le sun et les chiffres. Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume. Rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante ta putain de peine. Et que les gens la ressentent, car les gens me ressemblent. Dans le fond les gens s'aiment, je le sais, dans le fond les gens s'aiment. Y'a du mal être dans l'air. On m'a prise pour une merde, on m'a jugé sur mon paraître et ma verve. Mais derrière mes fautes de grammaire, y'avait de la rage. Messieurs, mesdames, je vous le jure, j'avais des tubes dans mon cartable. J'ai vite compris qu'on me prenait pour une conne. Autant mes profs que mes potes, une petite blanche dans le hip-hop. Alors je m'exprime, mais je reste sur la défensive. Depuis que j'ai rencontré l'amour avec du sang plein les gencives. Alors ouais, je vends des disques, ouais j'ai de la thune. Mais j'ai ces putains de cicatrices qui me perturbent. Rien à foutre d'être une star. D'attendre que le temps passe, elles s'éteignent les stars. Un jour ou l'autre on les remplace. Moi je veux du long terme. Soyons clairs, tous ces putains de disques d'or ne me rendront pas mon père. Mais je les aime, toutes ces unes de magazine. Car pour une fois dans sa vie, ma mère est fière de sa gamine. Ma mère je l'aime en mourir, mais je sais pas lui dire. Alors je lui dédie des titres sur mes disques. Je sais pas me blottir dans ses bras. J'aimerais mais j'y arrive pas, c'est trop rare et ça se fait pas moi. Tu sais, aujourd'hui je suis pas guéri malgré ses rimes. Elle est à toi, ma victoire de la musique, man. T'as porté le monde sur tes épaules pour ta môme. Repose-toi, je m'occupe de ton trône. À toutes ces mères qui embarquent jour après jour, une petite banlieusarde vous adresse tout son amour. Méditerranéenne, sans la famille c'est plus la même. Chez nous c'est beau comme on sait, mais le respect c'est dans les chaînes. Je reste jeune et insouciante, je joue avec la vie. J'aime la nicotine et j'aime Paris la nuit, ouais. Y'a les kebabs, les troquets, les bois. De l'autre côté y'a les armes, la coke et les femmes. Moi, j'ai pas besoin d'en fait, ni de ta poudre dans le sel. Je reste de celle qui reste saine. Que je le veuille ou non, je suis qu'une petite banlieusarde. Ça s'entend quand je parle, ça se devine quand je me sape. Mais je suis fier de pouvoir régler l'addition. Étonné de voir ma tête à la télé chez Ardisson. Je reste du monde, moi. Je ne rêvais que de freestyle, de déchirer le mic. Mais pas de me voir dans le journal, non. Je voulais monter sur scène parce que j'aimais le show. Parce que j'aimais les woyoy. Adolescent, je n'avais que ma chambre pour rêver d'avoir la chance que les gens un jour me chantent. Je rappais vite, je rappais grave, je rappais fort. Et puis après c'était le speed pour ne pas rater les transports. RERB, zone 5 hors CV, bus 03, direction Carrefour, les Ulysses. Durant des années, je n'ai fait que des allers-retours. Crois-moi, t'es très loin du move quand t'habites à mon détour. Je regrette rien, j'avais pas ma place aux Beaux-Arts. Et puis je n'aurais pas eu la chance de rencontrer Black Mozart. J'oublie rien de tous ces featuring que j'ai fait, de toutes ces rimes que j'ai suées, de tous ces riffs que j'ai tués. D'ailleurs, pas même le succès n'a freiné mes ardeurs. J'ai toujours kiffé être invité par des rappeurs avec ou sans disque de platine en fonction du feeling. Je serai toujours actif sur mixtape et compil parce que j'ai le rap dans le sang. Le rap m'a percé, le rap m'a percé au plus profond de moi. Tu le ressens, moi j'ai que ça, j'ai pas le bac, j'ai qu'un niveau de troisième. Mais malgré mes échecs scolaires, ma nouvelle vie est une croisière. Et dire que je rêvais juste de passer sur les ondes. 10 ans après, j'ai presque fait le tour du monde. Ma vie, c'est du partage, des souvenirs et du voyage. C'est des barres de rire, mais aussi parfois des dérapages. C'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Suisse, la Belgique, le Canada, la Guyane. C'est la Guadeloupe, la Martinique, le Gabon et l'Allemagne. La Réunion, la Corse, l'Italie, le Portugal. C'est l'Espagne et toutes ces villes de province française qui m'ont accueilli les bras ouverts pour me voir en concert. Petite banlieusarde, de loin des strass, tout près de l'impasse. Sans le rap, j'aurais sûrement fini buvant la place. Aujourd'hui, j'hallucine, je file de ville en ville. DJ Dim et au platine, et la tournée nous enivre. Ma vie, c'est mon rap, et mon rap, c'est un message. Mon rap, c'est un respect, c'est un posca et puis un lettrage. Mon rap, c'est du piano, c'est des notes blanches et noires. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'encre noire. Mon rap, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison de dire au monde que quand on veut, on y arrive, malgré les zones d'ombre. Et je suis contente quand un jeune s'en sort, qu'il montre l'exemple dans le biz, les études ou le sport. Génération 80, on n'a pas fini de parler, non. Vous m'arrêtez pas, on n'a pas fini de brasser. C'est pas facile de s'adapter à toutes ces évolutions. Nos revendications ne passeront pas sans révolution. Pour preuve, tous nos gimmicks se pointent en tête. Des hits, des trônes, la variété ramène même du chiffre aux maisons de disques. Petite banlieusarde, au-delà de la musique, j'ai surtout rencontré l'amour du public. Aujourd'hui je lui dois tout ce que je viens de vous décrire. Mes moments fous, mes voyages et tout ce que j'ai au fond des tripes. Mon public, à l'heure qu'il est, me ronge et m'obsède. J'ai peur de retourner dans l'ombre, de pas faire d'autres scènes. J'ai peur que ma plume ne plaise plus, de n'être qu'une artiste de plus qu'on renverra à la rue. J'ai peur d'avoir rêvé de carrière et d'avoir échoué, d'avoir à regarder en arrière et de me dire mais qu'est-ce que je fais. On est le 13 septembre, il est 7h du mat, et j'ai mon texte sous les yeux. Après tout ce temps, j'avais besoin de vider mon sac, et tout d'un coup je me sens mieux. Quoi qu'il arrive, je garderai que le meilleur de tout ça. Peu importe l'avenir, c'est tout ce que je sais faire, moi, je rap. C'est fini pour la nocturne 100% rap français, session classique avec Diams à l'instant. Petite banlieusarde, c'est ce qu'on écoutait pour conclure cette nocturne. Passez une bonne nuit, prochaine nocturne dans une semaine. La semaine prochaine, Planète Rap 2021, pas loupé sur Skyrock. Rap, R&B en non-sub, c'est reparti, Fabulo au contrôle. Ciao, bon week-end. Skyrock. Rap, R&B en premier.